La science CQFD, Natacha Triou. Ce vendredi, sur Apple TV commence la diffusion de Silo, l'adaptation en série des romans éponymes de Hugo Wey, un classique de la SF contemporaine. Quelle est l'originalité de cette dystopie claustrophobique ? Les derniers survivants de la planète vivent enfouis à 1 kilomètre sous terre, dans un cylindre en béton. Le seul contact avec l'extérieur est assuré par des caméras qui retransmettent sur des écrans les images d'un monde en ruine, à l'atmosphère toxique. Dans cette société, les condamnés à mort sont envoyés nettoyer les capteurs sur lesquels s'accumule la poussière. Chaque fois, ils disent qu'ils ne le feront pas et pourtant, chaque fois, ils le font. Pour quelle raison ? Silo, la post-apo en huis clos. Simon Rio, bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes journaliste cinéma et scénariste. Avec nous en duplex de Bordeaux, Natacha Vazderès, bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes chercheuse associée de l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de littérature et de cinéma de science-fiction et présidente du festival Hypermonde. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation direct de France Culture et merci à vous qui nous écoutez. Pour compléter l'écoute, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour notre live tweet riche de sources, d'articles et d'études. C'est tout de suite @sciencecqfd, c'est à retrouver sur notre page @franceculture.fr. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc des caractéristiques de ce monde clos, de comment Silo se distingue des autres romans dystopiques de ce genre et dans quelle mesure cet univers post-apocalyptique met en évidence les travers de notre société, le tout garanti sans spoiler. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Nous ne savons pas qui a bâti le silo. Nous ne savons pas pourquoi tout ce qui se trouve à l'extérieur du silo est ainsi. Bonjour, chérie. Bonjour, Sam. Déjà réveillé ? À moitié seulement. Nous ne savons pas quand nous pourrons sortir sans danger. Nous savons seulement que ce jour n'est pas aujourd'hui. Voilà la scène d'ouverture de la série Silo. Vous êtes tous les deux des amateurs du cycle littéraire. Quelle est votre première impression après le visionnage de cette série, Simon Rio, pour commencer? C'est une série qui n'est pas déplaisante, et je dis ça sans condescendance aucune, hein, mais voilà, il faut bien savoir qu'on n'a pas affaire à une grande œuvre de science-fiction, on n'a pas affaire à un accomplissement narratif hors du commun, on a affaire à une série, on va dire, techniquement assez ambitieuse, une série qui entend être un divertissement tout à fait honnête, et c'est ce qu'elle est. On viendra, mais elle est peut-être plus intéressante comme travail d'adaptation, parce qu'il y a à la fois de véritables choix qui ont été opérés en termes de scénario, il y a quelques choix qui s'avèrent, je trouve, très payants, très réussis, d'autres un peu plus compliqués, et moi c'est peut-être ce qui m'a le plus amusé, intéressé en regardant cette production, c'est voir comment elle se démenait pour essayer de combler certaines zones d'ombre, et aussi pour dialoguer avec une œuvre qui, mais on va le voir avec Natacha Vazderès, qui a beaucoup de spécificités, notamment du fait de son mode de publication et de rédaction. Et donc, du coup, ça donne une série de science-fiction qui va essayer, et qui arrive pas trop mal en réalité, j'ai envie de dire, ça me désole un peu en tant qu'amateur de SF, mais qui arrive à gommer certains aspects, certaines thématiques, me semble-t-il, des romans, pour devenir une espèce d'enquête un peu existentielle dans ce silo souterrain mystérieux, et qui donc va essayer d'explorer, de défricher un petit peu d'autres espaces, d'autres zones d'ombre que ceux de son matériau d'origine. On verra justement les différences entre l'œuvre originale et la série. Natacha Vazderès, votre réaction, vous aussi, première impression? Alors moi j'ai beaucoup aimé en fait l'ambiance, l'atmosphère évidemment post-apocalyptique et puis surtout cette espèce d'ambivalence, on aura l'occasion d'y revenir en fait entre utopie et dystopie parce que finalement ces gens dans ce silo, alors on pourrait s'attendre à avoir une ambiance plutôt on va dire lourde avec des gens extrêmement malheureux et les gens ne sont pas si malheureux que ça enfermés dans ce silo, dans ce huis clos et donc ça apporte une première impression qui est assez particulière, assez, donc je le disais, ambivalente. Et puis pour moi, la série, là aussi, c'est un élément qu'on peut retrouver, par exemple, dans le générique, avec l'image de l'arbre et du fruit. C'est le fruit de la connaissance. Hein. Il y a cette espèce d'image biblique dès le début, en fait, et dès le générique. En fait, c'est une quête du savoir, de la vérité, de la connaissance. Et c'est vrai ce que dit Simon, c'est-à-dire que certains aspects, notamment très techniques, sont un petit peu gommés, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vit dans ce silo, notamment ce déplacement qu'on peut avoir à travers cet escalier central, pour vraiment se focaliser sur cette quête de la vérité absolue. C'est au-delà évidemment de l'existence, pour moi c'est surtout la vérité à travers la recherche des archives, des documents, le fait qu'ils fouillent donc dans des d'anciens dossiers informatiques. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu dans cette première saison. Simon Rio, pour cette première saison, pourquoi avoir adapté Silo au petit écran? Je pense qu'il y a énormément de raisons. Alors actuellement, il faut bien voir que la série étant donc produite et diffusée sur la plateforme Apple TV, eh bien ces nouveaux acteurs, parce qu'ils sont arrivés quand même assez récemment hein, dans le milieu de la production audiovisuelle, il y a une dizaine d'années, ils ont pris énormément de place, mais ils sont face à une situation un peu particulière. C'est qu'ils ont certes des budgets et des capacités de fonctionnement absolument pharaoniques, mais ils ont besoin de produire énormément et beaucoup. Et pour y parvenir, pour fidéliser des spectateurs, il leur faut ce que les Américains appellent des IP, des licences, des marques, en gros des identités remarquables dans différents univers, et la science-fiction étant depuis une dizaine d'années revenue très fortement, et notamment sur le format sériel, je pense à des succès qui ont été par exemple aspirés par Netflix comme Black Mirror, tout simplement un ouvrage comme Silo devient pour un studio, pour une plateforme, une marque évidemment digne d'intérêt, et puis on le développera peut-être un petit peu après, mais je pense que Silo est aussi perçu par un acteur de l'industrie comme Apple TV comme une création qui est à même aussi d'aller exciter tout un tas de potentiels spectateurs qui n'auraient pas lu le livre, pas uniquement les fans, tout simplement parce que l'univers, la direction artistique vont forcément faire un petit peu papillonner le ventre des amateurs de jeux vidéo, notamment d'une saga exceptionnelle qui s'appelle BioShock. Alors attention, hein, que ceux qui auraient déjà commencé à regarder la série ou jouer à BioShock ne me tombent pas dessus, ce sont deux œuvres radicalement différentes, mais dans la possibilité, ce qu'il y a de stimulant à l'idée de découvrir une anti-utopie ou une utopie qui part un petit peu en cacahuète, eh bien il y a là des émotions et un travail de direction artistique qui forcément sont un petit peu voisins. Oui, le jeu vidéo BioShock, il y a des thématiques esthétiques à certains moments qu'on retrouve. C'est un gros succès ce jeu, mais et Silo, c'est une marque digne d'intérêt pour Apple TV, parce que Natasha Vesderes, il faut quand même dire, Silo, c'est un succès d'édition et une originalité éditoriale. Au départ. Alors, oui, tout à fait. C'est un véritable succès phénomène d'auto-édition. Et c'est ça qui est tout à fait remarquable dans Silo et qui, je pense, il y a une dizaine d'années, puisque donc le roman a été auto-édité sur Amazon par, il y a à peu près plus d'une dizaine d'années maintenant. C'était en 2011. Et je pense que dans son silage, eh bien, se sont engouffrés tout un tas de peut-être jeunes auteurs, enfin plus ou moins jeunes, mais qui ont tenté de se dire on va peut-être, nous aussi, sans passer par un éditeur finalement, avoir ce succès absolument phénoménal. Et il faut vraiment comprendre pour notre auteur que en fait il a déjà proposé donc des manuscrits qui n'ont jamais bien fonctionné. Donc il décide d'écrire cette histoire et il la pose sur cette plateforme. Et il y a un véritable engouement donc qui se crée avec des réactions effectivement de lecteurs. Et alors en France, eh bien ils vont décider en fait de publier le roman en 2013, sous format numérique, en 5 épisodes. Alors ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, derrière, on peut se dire il y a quand même une écriture sérielle ou de feuilleton qui est un petit peu donc en sous-main. Et ces 5 épisodes vont être publiés tous les 10 jours et ensuite, ils vont être repris en format papier chez Actes Sud. Et Actes Sud va ainsi inaugurer une collection très particulière qui s'appelle Exofiction, qui est consacrée à la science-fiction et à la fantasy. Alors c'est une sorte de collection blanche, hein, un petit peu corrompue, par les littératures de l'imaginaire. Parce qu'évidemment, Silo, il s'agissait bien de science-fiction post-apocalyptique. Et pour, cette autopublication, c'est quoi? Eh bien, tout simplement parce que ça va lui permettre de maîtriser l'œuvre et sa publication. Hein, c'est ce qu'il nous dit bien, donc évidemment, en interview. Et alors, l'autre idée qui est très intéressante pour lui, c'est qu'en fait, c'est de créer du lien avec ses fans qui racontent en fait, sur leur site de fanfiction, des histoires dans chaque Silo. Alors, pardon, mais il y aura effectivement plusieurs silos dans cette histoire. Et donc, pour l'auteur, eh bien, cette finalement auto-édition, eh bien, va créer une sorte de multivers open source. C'est-à-dire, ça va lui permettre de créer un véritable univers autour de Silo. Et Simon parle bien de marque, hein. Et là, on est vraiment dans une marque qui a été complètement créée par de l'auto-édition et qui va créer un univers grâce à ses fanfictions avec un auteur qui reste tout le temps en lien avec ses lecteurs et avec ses fans. Donc c'est vraiment une originalité éditoriale absolue qui ne pouvait évidemment que donner naissance à un univers étendu. Et d'ailleurs à ce propos, pour citer Hugo Oui, il dit « Quand j'ai écrit la première partie de Silo, une histoire d'une cinquantaine de pages, je n'imaginais pas l'intrigue globale. Pour moi, tout était là. Puis les lecteurs ont demandé la suite. » Il ajoute « Les gens aiment découvrir le roman par morceaux. Je l'ai donc publié ainsi. » Simon Rio, ça veut dire qu'il y a déjà dans l'œuvre littéraire une dimension, une forme sérielle. Alors, il y a une forme sérielle, ce qui évidemment, forcément, intéresse tout de suite un diffuseur comme Apple TV. Mais il y a aussi un piège littéraire, que moi je trouve passionnant. L'ouverture, les 60 premières pages de Silo sont très impressionnantes parce qu'on a d'abord le sentiment qu'elles appartiennent à une forme de style très, très anglo-saxon, tout à fait maîtrisé hein, et respectable, on va dire celui du page-turner qui veut attraper le lecteur et ne jamais le lâcher. En réalité, ça s'avérera bien plus fin que ça, mais surtout, en termes de construction, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que, et sans faire de spoil, tout simplement, le premier chapitre, le premier mouvement de Silo, c'est donc un récit qui se fait via une double introduction. On découvre un personnage qui n'occupera que quelques pages, qui va nous montrer un des principes les plus fascinants et inquiétants de ce Silo, à savoir le fait qu'il y a un extérieur toxique où on envoie à la mort régulièrement des nettoyeurs et dont on ne comprend pas bien pourquoi il s'acquitte de cette tâche malgré sa dimension funèbre et puis ridicule finalement. Quel intérêt d'aller effacer les capteurs d'une caméra quand on n'a plus que quelques secondes à vivre et qu'en plus on a été puni par ceux qui étaient hier nos compagnons d'infortune. Alors ça, c'est une première chose, mais non seulement ce premier mouvement se déroule sur deux temporalités, parce qu'on est à la fois dans le présent de ce protagoniste qui se prénomme Holston, et dans ce qu'il se souvient du sort malheureux de sa femme quelques années avant lui, puis, après ce premier mouvement, on a une deuxième introduction, qui là va être une introduction non plus conceptuelle mais géographique, où on va suivre deux autres personnages qui, pour une raison bien particulière, sont amenés à traverser tout le silo de haut en bas, de hauts membres de l'administration qui doivent s'acquitter d'une mission. Et donc, c'est assez rare finalement de commencer deux fois un roman. Et là où on pourrait avoir l'impression que le récit cale, au contraire, il ne fait que gagner en ampleur. Et c'est donc un truc qui est tout à fait anti-cinématographique. C'est compliqué de commencer deux fois son récit. C'est compliqué quand en plus il faut l'entremêler de deux périodes temporelles distinctes. C'est-à-dire qu'on a un récit en gros qui est en double révolution, qui est une espèce de suite hélicoïdale qui peut faire penser à un brin d'ADN. Je pense que c'est pas du tout innocent de la part de Howie. Mais par contre, pour la série, c'est très compliqué. C'est compliqué d'entamer un récit comme ça. Je pense que c'est pour ça, à mon avis, que les deux premiers épisodes sont, je pense, les plus faibles, parce qu'ils sont à la fois ceux qui collent le plus au texte et en même temps celui qui s'y casse le plus les dents. Et c'est après que le récit va gagner en ampleur, il va choisir de travailler un petit peu différemment ses personnages. Et à mon avis, moi, je ne serais pas étonné que les prochaines saisons s'intéressent justement à l'univers étendu qu'évoquait Natacha Vazderès, parce que il y a justement des choix qu'on va pas forcément révéler ici, mais au fil des tomes et au fil des chapitres, des allers-retours temporels, des changements de ton et de braquet stylistique qui seront peut-être compliqués à gérer pour la série. Mais la meilleure façon, en tout cas, de se spoiler cette série, hein, c'est d'avoir lu le livre. Hein, dans les 60 premières pages, il y a déjà tout de la première saison. Natacha Vazderès, un mot peut-être aussi sur l'auteur. Hugo Oui, qui est-il ? Alors Hugo Oui, en fait, c'est un auteur, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de petits boulots, qui a travaillé notamment en librairie avant. Et puis, c'est quelqu'un qui a toujours aimé la science-fiction, qui a lu les grands classiques de science-fiction. Alors, est-ce qu'on le retrouve dans Silo ? Je suis pas forcément certaine, parce que l'univers qu'il a essayé de créer, c'est vraiment un univers certes dystopique, qui va reprendre donc des codes post-apocalyptiques, mais qui va quand même s'éloigner dans sa conception d'autres références. Alors pour moi, je trouvais hein, que les deux références en fait les plus importantes par rapport à cette structure et ce qu'il a pu essayer de créer, c'était les monades urbaines par exemple de Robert Silverberg, où là on n'est pas sous terre, mais on est donc dans une sorte donc d'immense immeuble où les gens, enfin ce sont des espèces espèce de mini-ville à chaque étage ou de mini-village. Et puis, j'ai pensé aussi à Métropolis de Fritz Lang, hein, 1927, où là, on avait aussi une structure donc de ville, de cité, qui était une structure sociale. Parce que ce qui, évidemment, est important pour notre auteur, eh bien, c'est d'essayer finalement de nous parler de cohabitation, de liberté, de morale. Parce que quand vous écoutez un petit peu ce qu'il peut dire dans différentes interviews, c'est ça qui va l'intéresser. Et pour en revenir à ce que je disais au début, on est vraiment, si vous voulez, dans un récit qui, pour moi, porte la marque à la fois de l'utopie, parce que pour l'auteur, le message, si vous voulez, qu'il a voulu donner, c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'aller finalement dans l'espace, par exemple conquérir Mars, alors que les humains ne seraient peut-être absolument pas capables de vivre dans des espaces confinés, comme c'est le cas par exemple dans Silo, ou comme c'est le cas aussi de son dernier roman, donc Outre-Sable, où il y a également, si vous voulez, une cité qui est donc en dessous, qui est sous le sable, alors qui reprend bien évidemment la thématique un petit peu de la Terre creuse, hein, qui a fait florès évidemment dans la science-fiction depuis le 19e siècle et l'anticipation. Mais voilà, je pense que pour lui, il y a un véritable message à porter dans cet univers. Le fait que, évidemment, il y a une référence il va essayer peut-être en transformant la Terre comme une planète dévastée, devenant une planète de sable, et pas de référence peut-être à Dune, mais en tout cas, il y a ici une préoccupation climatique. Donc, si vous voulez, c'est un auteur qui, aujourd'hui, grâce à cette œuvre et grâce à son univers qui est quand même très spécifique, hein, essaie de porter ce message et essaie en tout cas de réfléchir à la nature humaine. Natacha Vazderès, je vous propose, et à vous aussi Simon Rio, et à vous aussi auditeurs et auditrices, de partir à la découverte de cette planète dévastée, de ce monde en ruine, avec une lecture de l'œuvre originale de Hugo Oui. Il s'assit et fixa le monde mort que des peuples anciens avaient laissé. Ce n'était pas la meilleure vue sur le paysage qui environnait leur bunker enterré, mais ce n'était pas non plus la pire. Au loin, des collines basses, onduleuses, mettaient une jolie touche de brun, comme du jus de café contenant juste ce qu'il faut de lait de cochon. Le ciel, au-dessus des collines, était du même gris terne que celui de son enfance, et de l'enfance de son père, et de celle de son grand-père. Le seul trait mouvant du paysage, c'était les nuages. Ils planaient, pleins et sombres, au-dessus des collines. Ils erraient, libres, comme les bêtes en troupeau des albums illustrés. Holston tourna la tête pour embrasser du regard le paysage sans vie, terreux. Il n'était déprimant qu'en comparaison avec les images des livres pour enfants, les seuls à avoir survécu à l'insurrection. La plupart des gens doutaient des couleurs de ces livres, comme ils doutaient que les éléphants mauves et les oiseaux roses aient jamais existé. Mais Holston sentait qu'elles étaient plus vraies encore que l'image qu'il avait devant les yeux. Comme quelques autres, il éprouvait quelque chose de primitif et de profond lorsqu'il regardait ces pages usées, éclaboussées de vert et de bleu. N'empêche, en regard de l'atmosphère suffocante du silo, cette vue grise et terreuse apparaissait comme une sorte de salut, comme le genre de grand air que les hommes étaient faits pour respirer. Natacha Vazderès, comment vous caractériserez l'écriture de Hugo Oui? Alors, l'écriture de Hugo Oui, oui, c'est bon, pardon. L'écriture, en fait, je dirais que c'est un style très efficace, très pragmatique, dans une... Alors, je crois que les Américains aiment beaucoup faire ça, mais les auteurs français aujourd'hui le font aussi. Mais on est en fait dans une narration alternée, doublement alternée d'ailleurs, puisque nous sommes à la fois dans une alternance d'époque, dans une alternance de lieux et aussi dans une alternance de personnages. Donc, cette triple quasiment alternance, c'est le cas notamment dans le dernier tome. Je ne spoilerai absolument rien, si ce n'est de vous dire que l'histoire passe de 2049 à 2345. Vous voyez ? Et donc, ça veut dire que le style donc narratif de Oui va jouer avec le temps, avec l'espace et bien évidemment avec ses différents personnages que d'ailleurs il n'hésitera pas à, je dirais, détruire, complètement laisser tomber au fur et à mesure pour y revenir d'ailleurs après, puisque chacun des personnages va faire avancer un tout petit peu l'histoire et la découverte de l'extérieur. Simon Rio. Oui, comme je le disais, moi, ce que je trouve le plus intéressant, et c'est ce que nous disait en détail Natacha, c'est que il y a effectivement un art de la construction et puis de la rupture de ton, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il ne sait pas bien gérer ses personnages qu'il va les abandonner, hein, Hugo. Oui, c'est parce que sciemment, comme il nous narre une histoire qui s'étale sur des siècles et où finalement, quand bien même il y a quelques protagonistes un peu saillants, néanmoins il n'y a pas d'homme ou de femme providentiel dans ce silo. Ça n'est plus possible. On est dans cette espèce de dictature qui n'en est pas une, dans cette espèce de système terrible, mais qui engendre néanmoins un espèce de consentement mou. C'est une dictamole et où tout d'un coup, pour faire surgir de la rébellion ou faire surgir de la conscience, tout simplement, il faut un amoncellement de petits actes, de petites erreurs. Et c'est d'ailleurs ce qui est, à mon sens, grosso modo, la première moitié du premier tome, ce qui fonde la première saison donc de l'adaptation de Silo, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est voir au fil des années comment un oubli, une erreur, un questionnement, un choix, une trahison, mais des actes qui pris isolément sont de micro-actions, vont parvenir à créer quelque chose, à engendrer chez ceux qui suivent, ceux qui arrivent après, une prise de conscience ou un désir de rébellion. Et ça, je trouve que c'est extrêmement beau. Et pour le coup, pour réussir à en rendre compte, il faut effectivement peut-être lâcher, abandonner la partie la plus superficielle du style, on va dire, pour tout simplement se concentrer sur la construction et comment créer cet échafaudage intellectuel, narratif et fictionnel. Alors, l'ensemble de la série littéraire est un succès éditorial, il y a déjà tout de la franchise. Quelles sont les caractéristiques de cette dictamole, pour vous reprendre, et comment l'enfermement, cette thématique centrale dans cette œuvre, est traitée dans les romans comme dans la série? Restez avec nous. France Culture. La science CQFD. Natacha Trio. La musique, la bande originale de la série Silo, dont nous parlons tout au long de cette heure. Il est 16h22, nous sommes avec Simon Rio et Natacha Vazderès. Nous venons de parler des raisons du succès de cette trilogie traduite dans 40 langues. Maintenant parlons des caractéristiques de cette dystopie. Natacha Vazderès, vous avez écrit Voyage intérieur et espace clos dans les domaines de l'imaginaire. Silo, vous l'avez dit, fait référence à des œuvres antérieures, Les monades urbaines de Robert Silverberg, Métropolis de Fritz Lang. Quelles sont justement, dans quelle mesure Silo respecte les grandes règles de la dystopie ? Alors, la dystopie, en fait, ici nous sommes dans une dystopie post-apocalyptique, et je vous ai dit depuis le départ que pour moi, il y avait quand même un petit quelque chose de l'utopie. Alors même si Simon parle de dictamole, moi je parlerais plutôt d'utopie régressive, c'est-à-dire que dans cet espace clos, on va essayer de faire survivre donc des gens ensemble, de recréer en fait une espèce de société. Mais cette société, si vous voulez, c'est à la fois un microcosme, puisque c'est le temps en fait intérieur et l'espace de ceux qui sont dominés ou ignorants de l'histoire, de ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est ça, ce microcosme. Et vous avez en même temps une sorte de macrocosme. Alors tout ça est très métaphorique, évidemment, puisqu'il s'agit du temps extérieur de ceux qui dominent, de ceux qui ont le pouvoir, hein, parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir dans ces silos, qui donnent l'impression en fait d'être des gens élus démocratiquement, etc., mais qui quand même surveillent. Ils passent leur temps à surveiller les gens du silo. Et donc, ce macrocosme, en fait, ce sont tous les gens qui maîtrisent le temps, le savoir, l'histoire, donc, et le pouvoir. Donc, vous voyez, on a en fait une dystopie qui se présente comme une sorte d'utopie réalisée, mais qui n'a ni origine ni avenir. Donc, on a, ça, c'est une des caractéristiques, si vous voulez, de la dystopie, c'est-à-dire qu'on n'a plus de temps, on n'a non plus d'histoire, et il faut bien comprendre qu'on n'a plus de mémoire, parce que les personnages boivent une eau qui est contaminée avec une sorte de médicament qui leur fait perdre la mémoire. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de la dystopie qu'on retrouve par exemple chez Huxley avec le Soma, ou dans Un bonheur insoutenable, donc d'Ira Levin. Et donc dans toutes les grandes dystopies, on a cette perte de l'histoire, cette perte du temps, cette perte de la chronologie qui fait que les gens sont en recherche permanente de leur identité. Simorio, pour compléter sur les caractéristiques de la dystopie de Silo. Bien, ce qui en fait la singularité, en tout cas, c'est que, vous savez, quand on évoque comme ça aussi bien des récits des sociétés post-apocalyptiques que dystopiques ou des utopies tournant mal, on se situe souvent avec des personnages qui sont à l'arrière. Je repensais aux transpersonnages aussi ou à Snowpiercer. On part souvent des ouvriers, des classes laborieuses qui subissent une pression d'autant plus accrue qu'on est dans un monde post-apocalyptique et qui vont essayer de découvrir la vérité ou de renverser le système qui les oppresse. Là, c'est un petit peu différent. Et c'est très intéressant parce qu'on va suivre en fait un transfuge de classe. Le personnage principal, tant dans la première partie des romans que dans la saison de la première saison de la série Apple TV+, Juliette, est une femme qui travaille en bas, dans Greasetown, c'est-à-dire là où il y a la génératrice, là où il y a les mines, bref, là où on fait tourner littéralement le silo et où vivent des hommes et des femmes qui ne verront jamais les étages supérieurs, qui éventuellement un jour auront l'occasion d'aller à l'étage des fermes pour manger une pomme, mais qui grosso modo passeront leur vie à serrer des boulons et à finir ébouillantés par des jets d'eau vaporisée. Eh bien, ce personnage-là, pour des raisons qu'on va évidemment pas dévoiler, va avoir à remonter tout le silo très rapidement. Et c'est ce décalage qui va lui permettre, elle, de voir ce qui ne tourne pas bien rond dans cette société et qui va nous permettre de voir qu'effectivement, cette utopie qui n'en est pas une a des failles qui ne demandent, qu'à être exploitées, qu'à être révélées au grand jour. Et c'est assez intéressant finalement d'appréhender le récit et la description d'un univers comme celui-là par le biais de ces administrateurs qui ont l'air bien tranquilles, un peu ronflants, dans une bureaucratie un peu passée, qui a l'air un peu ouatée et qui finalement n'a besoin que d'un peu de perturbation pour montrer les crocs, se retrousser les manches et aller taper ceux qui voudraient se rebeller contre elle. Natacha Vazdera, ça me fait penser, vous l'avez évoqué tout à l'heure par rapport au générique, où on y voit des images bibliques, mais ce générique, il est aussi intéressant parce qu'il n'y a aucun protagoniste qui apparaît, ce qui laisse croire que le seul vrai protagoniste, c'est le silo lui-même. Alors oui, c'est le silo parce que c'est cette espèce de d'espace dystopique. Alors en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit que cette dimension spatiale, elle était très particulière dans Silo parce que nous avons un espace dystopique à deux dimensions. C'est-à-dire que les personnages ne peuvent aller que du haut vers le bas ou du bas vers le haut, comme le personnage est Juliette et comme l'a très bien expliqué donc Simon, hein, sorte de transfuge de classe. Et on voit qu'en fait dans ce silo, lorsqu'on essaie de sortir de ces deux dimensions, c'est-à-dire lorsqu'on essaie d'aller vers une troisième dimension qui pourrait être en fait l'extérieur, voire une quatrième dimension qui pourrait être par exemple celle du temps, lorsque les personnages en fait appréhendent la chronologie et essaient de retrouver en fait les traces de leur histoire, eh bien on se rend compte que le silo, c'est vraiment une sorte d'allégorie, de métaphore, d'un espace qui va véritablement enfermer donc l'esprit de ses habitants. Et je pense qu'il y a une deuxième image qui est importante, c'est que c'est une aventure collective, ce silo. À travers effectivement des personnages bien spécifiques qui vont être porteurs en quelque sorte de la narration, mais on a une aventure véritablement collective. Et dès le début, en fait, dans l'œuvre, j'avais repéré deux expressions importantes. C'est que le personnage principal nous dit que nous pourrions être n'importe où en train de vivre un mensonge. Et elle interroge son mari, Holston, en lui disant « Est-ce que tu n'as pas ce sentiment que nous sommes au mauvais endroit ici ?» Le silo, c'est effectivement le mauvais endroit de la dystopie. Et ça nous rappelle bien sûr la définition même de la dystopie, c'est-à-dire un lieu qui dysfonctionne, un lieu où il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui, c'est ça, c'est qu'à ce confinement, à cet enfermement, s'ajoute également une disparition du temps, de l'histoire. On ne sait rien des raisons qui ont conduit ce monde à la ruine. On ne sait rien de la construction du silo. Simon Rio, on est face à une société amnésique de son histoire. L'absence de la mémoire individuelle et collective, c'est aussi le cœur de cette œuvre. Oui, c'est le cœur de cette œuvre et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'elle peut évoquer, on va dire un peu indirectement, hein, mais une espèce de relecture ou de pied de nez à un texte qui n'est pas un des plus connus de Philip K. Dick, qui s'intitule La vérité avant-dernière, qui lui aussi présentait une société souterraine face à un simulacre. Sauf que là, le simulacre sera de nature radicalement différente et les problématiques qui vont être présentées aux personnages et ce qu'ils vont tenter ou ne pas tenter pour s'en sortir n'a plus rien à voir. Mais là aussi, il sera bien question de simulacre et de là où se situe le simulacre. Et ben, tout simplement, on va découvrir, et attention, ça n'est pas un spoiler, c'est quelque chose que vous allez sentir sentir très très vite dès les premières pages ou dès les premiers épisodes de Silo, mais c'est un concept qui est assez excitant, c'est qu'en fait l'enjeu, c'est que nos personnages découvrent qu'ils ne sont pas le fruit d'un sauvetage réussi, comme on leur raconte. La seule chose qu'ils savent, c'est ils savent, on leur explique depuis qu'ils sont tout petits, que le Silo a survécu à une terrible insurrection, en gros de rebelles inconscients qui ont bien failli faire sortir tout le monde à l'extérieur et donc détruire l'humanité. Et en fait, ils vont découvrir, on comprend très rapidement qu'en fait, ça n'est pas vrai. Ils sont la continuation d'une insurrection réactionnaire. Et donc, cette insurrection réactionnaire ne peut pas se prolonger au fil des générations en disant « c'est super, on est les méchants, on a gagné ». Donc, il faut bien sûr réécrire ou faire disparaître, dissoudre le passé. Et ça, c'est un des éléments que la série réussit assez bien, c'est-à-dire qu'elle elle va se pencher sur quelque chose qui est évoqué dans le premier tome, mais qui n'est pas central, à savoir les reliques d'avant cette rébellion et encore d'avant le Silo. Quel est leur statut, quelle est leur valeur? Elles sont interdites, pourquoi le sont-elles et pourquoi, malgré leur interdiction, elles circulent quand même parmi certains citoyens? Et donc voilà, il y a tout un travail de comment est-ce qu'on raconte, comment est-ce qu'on narre, qui est extrêmement intéressant. Et c'est évidemment pas anodin que dans les années 2010 ait eu un succès pareil, un récit qui nous dit que finalement le pouvoir se trouve non pas dans celui qui tient le bâton, peut-être pas dans celui qui a des armes, peut-être même pas dans celui qui a le message politique qu'il écrit, mais dans celui qui l'applique, dans celui qui possède le médium. Parce que c'est bien ça, au centre de la narration, tant de la série que des romans, il y a le DIT, qui est le département qui tout simplement traite les données. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur les objets anciens totalement prohibés, qui sont appelés donc les reliques, dans la série on tombe d'ailleurs sur une ancienne boîte de pèse, une boîte de bonbons, sans savoir ce que c'est, un caméscope qui est lui aussi un objet curieux. C'est drôle dans cette série, et sur le plan technologique aussi, ils sont bloqués dans la fin des années 90. Mais pourquoi c'est intéressant ce choix? Pour quelle raison, Simon Rieu, selon vous? Eh bien là, ça nous ramène un petit peu, quand je vous parlais, quand j'évoquais plutôt une saga vidéoludique, BioShock, alors je vais en dire quelques mots très rapidement, qui met le joueur, le personnage, au cœur initialement d'une cité sous-marine inconnue dans laquelle serait allé, suivant une espèce de philosophie à la Ayn Rand dévoyée, serait allé se cacher richissimes américains, chercheurs, artistes, pour vivre leur meilleure vie loin des ploucs. Et tout simplement, il se trouve que cette espèce d'utopie délirante libertarienne a mal tourné, et donc elle est, on la découvre des décennies après sa création, et donc elle est coincée, alors que le jeu se déroule dans les années 60, dans une esthétique art déco un peu salie. Eh bien, il y a là aussi quelque chose, on va dire, la série Apple TV, je pense, a bien fait ses leçons et s'est inspirée effectivement de comment travailler la temporalité, la direction artistique, comment nous raconter le Silo, et c'était ça la grande, on va dire, la grande conquête vidéoludique de BioShock, comment faire de la narration environnementale, comment faire en sorte que le décor raconte quelque chose. Eh bien, tout simplement, on ne va pas ni même architecturalement composé de la même manière, les logements des ouvriers, les logements des petits fonctionnaires et le logement du juge ou de l'individu qui s'occupe de gérer les datas. Il n'y a pas les mêmes couleurs, il n'y a pas les mêmes formes, on pourrait presque croire que ce Silo a été assemblé à des époques très différentes. Et enfin, certains appartements ou lieux sont encore à peu près entretenus, on voit bien que la décoration est usée, que on va dire les matériaux sont tous recyclés à l'infini et sont sur le point de tomber en ruine, mais ils sont encore là, quand d'autres bâtiments affichent des fissures terribles qui laissent à penser que le Silo n'est pas durable éternellement. Enfin, bref, il y a une direction artistique qui est, on va dire, entre un fantasme de hippie bureaucrate et une espèce de cauchemar administratif, mais qui du coup est assez singulier, assez unique et passablement inquiétant. Natacha Vazdez, pour poursuivre sur cette notion de destruction de la mémoire collective et individuelle. Alors, d'abord, je voulais juste rebondir sur ce que disait Simon, parce que ça, c'est très intéressant. Et pour moi, dans le Silo, il y a le phénomène de l'entropie qu'on va retrouver, par exemple, chez Philip K. Dick. Donc là, je pense qu'il y a une influence quand même très, très, très claire. C'est-à-dire que tout s'use, en fait, petit à petit, les hommes, d'ailleurs, comme les objets. Et on voit effectivement le passage du temps. Et en même temps, les hommes n'arrivent pas, en fait, à se sortir de cette usure d'eux-mêmes et de cette usure du temps. Alors, moi, je crois qu'il y a aussi un autre moteur. Enfin, j'ai trouvé un autre moteur, en fait, à la fois et dans la série, évidemment, et dans l'ouvrage. Eh bien, c'est que tout ceci est fondé sur des dualités et des paradoxes. Par exemple, le paradoxe, on va trouver ça dès le premier épisode, avec l'évocation de la journée de la liberté, alors qu'ils sont enfermés dans un silo, dans l'ignorance, donc, de l'histoire et de la vérité. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, paradoxal. Et ensuite, si vous voulez, quand ceux qui sont condamnés à sortir, ceux qui souhaitent finalement découvrir la vérité, eh bien, ils vont mourir d'un mensonge lors de leur sortie à l'extérieur. Et ça, vous voyez, c'est des paradoxes, en fait, qui permettent de nourrir et d'enrichir complètement donc cette histoire. Et le troisième élément qui me semble tout à fait intéressant, c'est le rôle des écrans dans la série et les romans. Alors, des écrans, évidemment, qui sont tout à fait... Enfin, c'est une technologie complètement passée. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes en 2011. Nous sommes, évidemment, dans le cinéma et les séries post, donc, évidemment, traumatisme de 2001. Et les écrans ont, dans cette histoire, vraiment une place absolument prépondérante, puisque c'est à cause des écrans qu'on va découvrir la vérité, mais c'est aussi grâce aux écrans qu'on fait passer donc des mensonges, notamment pour ceux qui sont donc à l'extérieur, hein, et ça on le voit évidemment dès le premier épisode. Et donc vous voyez, on a en quelque sorte cette dualité, c'est par l'écran qu'on va avoir le mensonge, mais qu'on va avoir également la vérité. Donc on a non seulement une technologie un petit peu usée, mais aussi une technologie qui permet l'expression de paradoxes et de dualités qui enrichissent évidemment complètement cette histoire. Le rôle des écrans. Écoutons à ce propos Hugo Oui en 2019. Il était sur notre antenne au micro de Nicolas Martin de l'émission La Méthode Scientifique. Écoutez-le. L'intrigue, j'avais pensé pendant un certain temps. C'est-à-dire, avant de commencer à travailler beaucoup, ma vision du monde venait des écrans de télé, des journaux, de la fenêtre de quelqu'un d'autre sur ce monde. Et je devais compter sur leur reportage, sur la façon dont eux voyaient les choses. Et la façon dont les nouvelles sont rapportées, ben, ils ne rapportent que les mauvaises nouvelles. Parce que c'est ce qui attire votre attention, c'est ce qui fait vendre les journaux, ce qui nous fait regarder la télé, ce qui attire l'attention pour les annonceurs. Alors quand j'ai commencé à voyager, à aller dans des endroits dont j'avais entendu parler quand j'étais enfant en Caroline du Nord, j'ai vu un monde complètement différent. Je me suis rendu compte qu'on ne nous montrait pas les bons côtés de l'humanité, on nous montre seulement les mauvais côtés. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça nous fait? J'écris ça avant d'avoir un smartphone, mais maintenant nous recevons encore plus d'informations de nos écrans. Je me demandais simplement, qu'est-ce que ça nous fait de vivre dans ces silos, coupés les uns des autres, coupés des autres pays, coupés du monde, tout en voyant les choses négatives? Qu'est-ce que ça fait à l'humanité? Et le silo de l'écran mural est devenu une métaphore pour cela. Vous savez, il y a cette fameuse métaphore de Platon sur le fait de voir le monde comme si on était quelqu'un dans une caverne qui ne voit que les ombres, des choses projetées par le feu sur le mur, et qui doit deviner comment est le monde à partir de ces formes sombres. Et j'avais cette métaphore de la caverne de Platon en tête quand j'écrivais cette histoire, en me demandant ce que ça nous faisait au juste de ne voir que les contours des choses et uniquement des choses sombres. Simon Rio, une réaction à cette archive? Alors oui, une réaction, parce que justement, je comptais l'évoquer, parce que j'ai bien fait mes devoirs, j'ai réécouté cet entretien mené par l'incunable Nicolas Martin, et il y a quelque chose d'assez passionnant dedans, c'est que Hugo Oui assume tout à fait de traiter de la confrontation entre les logiques, les philosophies de Rousseau et de Hobbes, et de regarder comment, eh bien, on va dire, un certain idéalisme ou une vision un petit peu plus désenchantée de l'humanité, comment est-ce qu'elle se rencontre, qu'est-ce que ça provoque, et puis voilà, les personnages au sein tant du roman que de la série, les symboles en fait, les incarnent. Et il y a notamment une idée que je trouve extrêmement forte et pour le coup très politique et qui est très bien traitée également par la série, c'est que donc tout le monde, les fonctionnaires, les autorités, ceux qui font appliquer les règles du silo, rappellent en permanence le pacte. Le pacte qui est donc cet assemblage de lois et qui font que quiconque les trahit est envoyé nettoyer les caméras à l'extérieur dans un dernier au revoir. Eh bien, c'est la manière que le talent de Oui, c'est de nous montrer que ce pacte est un pacte auquel personne n'a donné son accord, comme notre contrat social. Il y a une critique du rousseauisme assez bien menée, assez fine et assez terrible, je dois dire, tant dans le texte que dans la série, qui consiste à nous dire, mais attendez, on parle de contrat social, mais qui nous a proposé de signer et comment en sort-on? Ah, ben si on ne peut pas choisir de le rejoindre ou de le quitter, ça n'est peut-être pas un contrat, ça n'est peut-être pas très social. Natacha Vazderès, votre réaction, vous aussi, à cette archive de Hugo Oui? Alors, moi, je crois qu'il y a aussi une réflexion, peut-être évidemment avec la référence à Hobbes, mais il y a une réflexion sur le pouvoir et ses responsabilités. Alors, évidemment, il faut avoir lu l'ensemble, il faudra avoir vu l'ensemble, bien sûr, des trois saisons et l'ensemble, donc, du cycle de la trilogie de Oui, pour bien comprendre la profondeur, donc, de cette réflexion. Mais je crois que c'est vraiment dès le départ, dès le premier épisode avec Holston, on a quelqu'un qui réfléchit sur cette charge du pouvoir, puisque Holston va être obligé à un moment donné de condamner à mort sa propre épouse qu'il adore. Il en est absolument désespéré. Et pourtant, il la sacrifie parce que pour lui, sa charge a beaucoup plus donc, d'importance. Et donc, cette réflexion sur le pouvoir et les responsabilités, si vous voulez, que cela va entraîner en fait pour les individus, montre un pouvoir au sein de Silo, qui est un pouvoir pour moi qui est un petit peu paranoïaque, mais surtout qui va montrer une réflexion sur comment gérer des populations, comment créer un monde, une sorte de cosmologie sociale, en fait, à partir, en fait, de ce monde détruit, de ce monde post-apocalyptique. Et ça, c'est une réflexion qu'on va retrouver très, très souvent dans la science-fiction. C'est-à-dire qu'on fait table rase du passé et on montre comment est-ce qu'on peut essayer de recréer, donc, une société. Le problème, c'est que dans Silo, et vous le verrez, évidemment, en regardant la suite de la série, bien sûr, et puis en lisant les ouvrages, c'est que l'histoire n'est pas celle finalement d'une apocalypse, on va dire une apocalypse qui a été entraînée par l'histoire et par une suite d'événements, mais par la volonté d'un groupe de personnes. Et je n'en dirai pas plus. Alors quelle est la dimension politique et sociale de cette œuvre ? Quelle image de notre société Silo reflète-t-elle ? Et surtout, pourquoi s'agit-il d'une œuvre de science-fiction de notre temps ? On continue de descendre les escaliers du Silo, restez à l'écoute. Adam Kescher, voyage intérieur à 16h43 sur France Culture, car nous voyageons à l'intérieur du silo de Hugo Oui, la trilogie SF adaptée sur Apple TV. On explore ces cylindres de béton avec Simon Rio, journaliste cinéma et scénariste, et Natacha Vazderès, chercheuse associée de l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de littérature et de cinéma de science-fiction et présidente du festival Hypermonde. Nous venons de voir comment Silo fait partie de ces dystopies post-apocalyptiques en huis clos. La domination dictatoriale, c'est pas facile le vendredi, l'absence de mémoire individuelle et collective, tout ça c'est des thématiques abordées au cours des livres et de la série. Maintenant parlons de la dimension politique et sociale de Silo. Natacha Vazderès, quelle est l'idéologie politique de la science-fiction de Hugo Oui? Alors, pour Hugo Oui, je pense que ce qu'il a voulu représenter dans Silo, c'est que nous sommes dans une société qui est extrêmement conservatrice. C'est-à-dire que nous avons d'abord une maîtrise de la fécondité donc des femmes, puisque chaque femme donc a une sorte d'implant qui permet de bloquer effectivement donc la possibilité d'avoir des enfants. Et donc, si vous voulez, la fécondité, elle est complètement verticale, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de tirage au sort, et on dit donc au couple, là c'est bon, pendant un an vous allez avoir le droit de faire des enfants. Donc on a une fécondité qui est extrêmement maîtrisée. Nous sommes ensuite dans une société de surveillance, ça évidemment on le découvre au fur et à mesure, bien évidemment donc de la série et bien sûr donc des ouvrages. Nous sommes dans une société très stratifiée socialement, puisque chaque étage représente en fait une sorte de caste professionnelle, et donc au final nous sommes dans une société qui pour moi est bloquée, complètement refermée sur elle-même, générée en fait par des politiques conservatrices. Et est-ce que, bien sûr, c'est une image de la, je dirais, de la politique américaine, ou une image en fait d'une politique, par exemple, des républicains, beaucoup moins progressistes évidemment que les démocrates. Je crois qu'on en est là. Et puis, il faut rajouter aussi une dimension donc théocratique, une dimension religieuse à Silo, puisque le pouvoir, c'est le savoir, comme on l'a déjà vu. Mais attention, le savoir, du point de vue évidemment des dominés et non pas des dominants, eh bien le savoir, c'est le péché absolu qui va condamner ceux qui cherchent la vérité. Et là, on est complètement, si vous voulez, dans une dimension religieuse. Et l'image de ces hommes et de ces femmes qui sont envoyés donc à l'extérieur, ils sont littéralement sacrifiés pour que la société fonctionne bien. Vous évoquez, Natacha Vazderès, cette société hiérarchisée, 144 étages avec les puissants au tout premier étage tout en haut, les ouvriers tout en bas, là où se trouve le générateur. C'est intégré ça dans notre langage, classe moyenne, classe supérieure. Simon Rio, c'est une critique sur la façon dont notre société est organisée? En tout cas, une critique, je ne sais pas, mais c'est une observation qui est particulièrement acérée pour un texte qui se destine et qui a réussi à toucher un très très large public. C'est ça qu'il faut voir, on n'est pas sur un ouvrage qui serait réservé aux aficionados de science-fiction et aux seuls amateurs du genre, et qui donc serait peut-être a priori susceptible d'être déjà en accord avec cette proposition-là. Et c'est assez intéressant parce que là, il faut en revenir un petit peu au parcours de Hugo Lee. Tout simplement, il a fait plusieurs petits boulots, et comme c'est un passionné de bateaux et de voiles, pour pouvoir assouvir un peu sa passion, il a été pendant plusieurs années commandant de yachts, mais de yachts d'ultra riches. Et là, on comprend le personnage de Jules, c'est-à-dire une technicienne, quelqu'un qui aime son métier, dont le métier est un acte technique, quasiment un art finalement, un artisanat, qui va l'amener à être en contact tout d'un coup, soudainement, avec des classes sociales radicalement différentes de la leur, et dont elle ne pouvait avoir jusque-là que des représentations. Donc ça, c'est une première chose. Ça permet à Oli tant de faire une critique de l'intérieur du système et de ceux qui détiennent le pouvoir, mais aussi de les appréhender comme des humains et des personnages, parce qu'il aime à dire et à rappeler qu'il a découvert des gens certes puissants, et dont on va dire l'amas de richesse et de puissance est certes très discutable, mais qui n'en était pas moins humain que lui. Et ça, c'est quelque chose qu'il arrive à traiter avec beaucoup de finesse. Et enfin, il y a un autre élément politique que je trouve très fort dans Silo, c'est la question du temps. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on ne se rebelle pas? Pourquoi est-ce que tous ceux qui souffrent et qui se font marcher dessus n'ont pas la capacité, la force, le pouvoir de se rebeller? Il y a une question dans nos sociétés, en tout cas, qui s'appelle le temps. Et dans le silo, pour monter en haut, si on veut aller présenter l'addition à ceux qui dirigent dans les 30 premiers étages, ça prend 2 jours de marche. Donc on n'a pas forcément le temps de les prendre, parce qu'il faut travailler pour faire tourner le silo. On n'a pas forcément l'énergie, après une journée de boulot, à avoir graissé des boulons, pour courir jusqu'aux 140 étages, ou pour les descendre d'ailleurs. Et en fait, cette question du temps, et du temps qui s'incarne, qui pèse de manière littérale sur les corps, le roman et la série le représentent très bien, et ça je pense que c'est vraiment une allégorie, une métaphore de ce que nous vivons dans nos sociétés contemporaines, à savoir comment prendre conscience et comment mettre en perspective et penser l'action quand on n'en a tout simplement plus l'énergie après une journée de travail. L'énergie, en tout cas, il y en a une qui en a dans cette série et dans ce roman. Hein. C'est le personnage de Juliette, vous l'avez dit, Simon Rio, tout à l'heure. C'est une dystopie sur un transfuge de classe. Juliette Nichols, qui est interprétée par Rebecca Ferguson, c'est une héroïne qui se fait à la fois détective, historienne, ingénieure et shérif. C'est un personnage déterminé et sans peur. Et à propos de ce personnage féminin fort, écoutons à nouveau les mots de Hugo Hi. J'ai vu la façon dont les femmes étaient traitées dans la culture dans laquelle j'ai grandi, dans le sud des États-Unis. Elles étaient les défavorisées, soumises à des gens qui avaient plus de pouvoir qu'elles. Et si vous écrivez une histoire de soulèvement, menée par des gens qui doivent surmonter des grands défis, cette histoire a beaucoup plus de pouvoir, d'impact, si les personnages principaux viennent de régions encore plus défavorisées de la société et doivent travailler beaucoup plus fort. Je ne pense pas que l'histoire de Silo serait aussi puissante si c'était un mécanicien homme qui devenait shérif. Il faut vraiment voir quelqu'un comme Juliette comme personnage principal. Et pas simplement un seul personnage féminin fort, mais le maire et la femme des Halston, Allison, qui découvre toute cette histoire, et la femme qui dirige la société de distribution, Shirley. Il y a beaucoup de femmes superbes dans cette histoire, et c'est important de raconter que la moitié de la population, c'est des femmes, la moitié des personnages, la moitié des héros devraient être des femmes. Natacha Vazderès, une réaction à cette archive? Oui, alors évidemment, ça me fait extrêmement plaisir d'entendre ces mots-là, de la bouche évidemment d'un auteur. Je crois qu'il participe aussi à ce grand mouvement des années 2010, notamment dans les œuvres dystopiques. Alors, je pense par exemple à plutôt des romans young adults comme Hunger Games ou Divergente, où ce sont finalement des jeunes femmes, de très jeunes femmes, qui sont donc des héroïnes extrêmement fortes, tant physiquement qu'intellectuellement. Et je crois que dans l'histoire des représentations, il est très important que, évidemment, la science-fiction est toujours à l'avant-garde, hein, bien sûr, mais que, en fait, la littérature, et puis évidemment le cinéma, et puis évidemment les séries, mettent en scène des femmes, parce que ce sont des femmes qui sont extrêmement fortes, en plus, évidemment, de devoir porter la maternité, par exemple, ou la famille. Et ce sont des femmes qui sont extrêmement intelligentes et qui arrivent, évidemment, à découvrir la vérité, en ce qui concerne notamment Juliette. Et juste un mot par rapport à Juliette. Juliette, c'est un personnage que l'on va avoir dès le début de cette première saison, mais dans la saga littéraire, eh bien, Juliette va également clore le récit. Et donc, c'est un personnage, je pense, qui a beaucoup plu à Oui et qui va faire un clin d'œil. Alors, elle n'est pas forcément l'héroïne, par exemple, du dernier tome de la trilogie, mais les dernières pages, en fait, on revient sur Juliette pour bien montrer que c'est une femme qui va porter la révolte, la compréhension, le savoir et qui va effectivement conduire peut-être à détruire ce monde ou à tout du moins faire avancer l'humanité vers autre chose que les silos. Simon Rio. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande révolution, il y a une grande rupture dans la science-fiction et le féminin dans la science-fiction. C'est évidemment le personnage d'Hélène Ripley dans Alien, mais le fait est que depuis Hélène Ripley, très souvent, la figure de la femme forte, de la femme puissante, est devenue souvent un tropisme qui peut être assez fétichisant et assez masculin. Cette femme de telle une Valkyrie, très puissante, puis toujours un peu sexy, etc. Et il se trouve que Hugo Weave, lui, eh bien, il a bien lu ses classiques, c'est-à-dire qu'il est retourné à l'idée fondamentale d'Alien, ce qui fait dans Alien que Hélène Ripley est un protagoniste, qu'elle est la seule survivante, et ce qui fait dans Silo que Juliette peut devenir une meneuse et peut amener la vérité à ses contemporains, c'est parce que c'est la plus intelligente et la plus compétente. C'est parce qu'elle est plus... parce qu'elle travaille mieux que les autres et qu'elle se donne mieux aux causes qu'elle défend, qu'elle arrive à ses fins. Et elle n'est pas du tout, je dirais, déréalisée. Au contraire, c'est bien pour ça que son rôle de mécanicienne, d'ingénieur est extrêmement important, c'est que ça va lui permettre, quand elle va monter dans les étages du silo, d'appréhender ce qu'on appelle les rouages du pouvoir, d'ailleurs, comme une machine. Où est-ce que ça se grippe? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça tourne trop vite ou trop lentement? Et c'est tout simplement parce qu'elle a une appréhension du monde plus fine, plus précise que ses contemporains, qu'elle va pouvoir agir sur ce monde, pas parce qu'elle serait une figure de la femme forte. Mais toujours à propos de Juliette et cette transfuge de classe qu'on n'a pas encore dit, Simon Rio, hein, c'est que le livre, il donne vraiment à comprendre la distinction entre les classes sociales. Par contre, c'est pas du tout le cas dans la série. Alors, la série gomme un petit peu ça, il en fait moins une source, je dirais, de conflit. C'est-à-dire que, certes, bien sûr, on voit bien qu'on ne vit pas tout à fait de la même manière dans les premiers étages et pas tout à fait de la même manière à côté de la génératrice, c'est certain. Mais là où dans le roman, il est évident que ceux qui vivent dans les étages inférieurs se vivent comme une classe sociale, même s'ils ne reprennent évidemment pas la terminologie marxiste, ils se vivent comme un groupe constitué par ce constitué et quand même passablement oppressé, qu'il y a un mode de vie moindre. Là où, c'est assez frappant dans la série, ils sont très fiers d'être ouvriers et ils n'arrêtent pas de le répéter. Nous, on fait bien notre travail. Nous, on aime notre travail. Et bien sûr, évidemment, la série Apple TV ne gomme pas totalement ce qu'il y a dans le roman à ce niveau-là. Mais on va dire, la notion d'oppression se joue bien plus du côté du bien et du mal, du côté du vrai et du faux, que me semble-t-il du côté de il y a une classe qui domine les autres et cette domination en tant que telle est un symptôme, est un problème et doit être combattu. C'est moins présent dans la série. Les personnages s'identifient plus à leur métier qu'à leur classe. Natacha Vazdeas, la série anesthésie le côté social de l'œuvre selon vous? Oui, je crois, parce que encore une fois, c'est ce que la littérature permet de développer. Il faut être beaucoup plus efficace dans la narration, dans la narration sérielle. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, c'est essentiellement la quête de la vérité, la quête du savoir, une enquête en fait vers la vérité, qui est portée donc par cette femme, qui est intelligente, qui est compétente et qui comprend le système. Vous voyez. Et ça, je pense que et ce que nous avons par exemple cette vision donc générale du silo dans ce très beau générique de la série, eh bien c'est parce qu'en fait nous avons une vision globale du système. Et je crois que Juliette, en fait, ce qui va compter dans cette série, c'est de comprendre ce système. Voilà. Et ça, c'est la quête éperdue de ce personnage. Cette quête de la vérité, Natacha Vazdeas, tous les personnages, ou presque, sont traversés par une impression forte, hein, celle de vivre un mensonge. Est-ce que le monde de Silo nous interroge justement sur l'essor du complotisme ? Ah oui, alors ça c'est une idée qui est très intéressante. Alors malheureusement, pour développer, il faudrait un petit peu spoiler sur le troisième tome évidemment de la série. Mais je crois que il y a une question. En fait, les personnages sont littéralement taraudés. Alors y compris ceux qui sont en haut du pouvoir, donc du silo, parce que ils n'ont accès finalement qu'à une version très restreinte de l'histoire et de la vérité. Ils ont leur mission donc à mener. Ils ont donc accès à quelques informations, mais pas à tout. Et je crois que, si vous voulez, cette espèce de vérité partielle auquel les personnages ont accès ou qu'ils le découvrent, eh bien, ça favorise effectivement cette vision du complotisme, cette vision en fait totalement paranoïaque du pouvoir. Et je crois que c'est ça qui est vraiment intéressant dans Silo, c'est-à-dire que la vérité, c'est vraiment ce qui doit conduire le pouvoir, ce qui doit aider à conduire donc le peuple. Les mensonges, en fait, ne servent à rien, parce que les mensonges, eh bien, c'est un concept qui nous vient de Machiavel, hein. La fin, évidemment, justifie tous les moyens. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas mentir à un peuple quand on veut le diriger. Alors, tout ça sonne évidemment de manière très actuelle après les temps du Covid que nous venons de vivre et après évidemment la société des fake news dans laquelle nous vivons et qui va s'amplifier à mon avis. Simon Rio, pour conclure. Et pour conclure et boucler un petit peu sur la série, tout simplement, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, en tout cas dans cette première saison. Elle dissémine quelques pistes qui, moi, m'excite assez sur un autre aspect, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'extérieur, la verticalité en haut où se trouverait un mystère, mais peut-être également en dessous. Et ça, c'est, en tout cas, ça n'est pas présent dans le premier tome de Silo, et je trouve que c'est assez excitant comme idée. Et également, il y a bien sûr, oui, le fait, les gens qui manipulent la vérité, mais il y a aussi ce sentiment de mélancolie face au fait de ne pas savoir. D'où vient la vapeur qui nourrit les génératrices? On ne sait pas. Et ça, c'est terrible. Pour ces techniciens, je trouve ça assez joli. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure et de nous avoir fait comprendre que Silo est bien une œuvre de notre temps. Je rappelle que les deux premiers épisodes de Silo sont disponibles dès aujourd'hui sur Apple TV et que toute la trilogie est disponible chez vos libraires. Merci Simon Rio, merci Natacha Vazdeas. Et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Nafi Terras, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim. À la réalisation, Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Audrey Guélil. Et merci à Valentin Couvet pour le duplex de Bordeaux. Cette émission, ce podcast sur franceculture.fr, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.